barre, loin des lumières, des lampadaires et des prêcheurs. Là-bas, des lépreux jaunes promettent monts et merveilles. Allez, laisse-moi approcher la racine de l'arc-en-ciel, le trésor, le tas de ferraille. L'euphorie est effrayante et l'effort toujours à moindre frais. Dans l'enfer, des fourmis s'enfermer dans le formol informé, l'infirmier partir frimé en pharmacie. Oh mais merci messire pour ces morceaux de luxure, messie, l'élixir d'une morsure me sied à ravir. Vous savez, je mesure le poids de la morsure, de la misère, j'en ai si peur. Alors, essayez-vous sur mes souhaits, mais protégez mon cœur. Avec la censure et mon âme sœur. Mais oui, bien sûr, laissez-moi l'escalier. Prenez dans l'ascenseur, je n'aimerais pas que vous souliez soit souillé de sueur. Prenez de la hauteur, mais laissez-moi gravir. Laissez-moi donc l'espoir de pouvoir vous revoir et vous ravir. Car c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, réussir. Est-ce bien là la berceuse que le rat doit chanter à messire? Chanter à messire, chanter à messire. Encore une blanche. Ça parle de revanche, loin de la branche, tant mieux. Bien sûr, l'hiver est aride, froid et sec dans les montagnes. Les rares averses sont rudes pour la flamme que je garde. Et je crypte sans répit les oracles que le feu crépite. De peur que sa lumière soit encore volée par un pilleur de crypte. Y'a un peu de vide. D'apathie dans les pattes, comment amputer par mon empathie, je piétine, je me tâte, taper la côte ou dévaler la pente, je me sens pas apte. D'apathée, je m'en tamponne, c'est pas ma pitié qui tapine, et la piété sans pipoter ses miettes. Tu sais pour moi, la papauté rime un peu trop avec pépette, et même pompette, je la trouve pas plus pimpante qu'une pute en paillettes. Ici y'a peu de pépites. Faut souvent un auto-dafé pour qu'une idée crépite. Et la crapule perd pas de temps à lancer la croisade. Jeter des barils d'essence sans maîtriser la flamme. Faut le comprendre aussi, apprendre l'essence, il a la flemme. Suffit d'un semblant de chasteté pour être chouchouté par des milfs. Mais ça fait mille fois que la foi cache la folie. Tu sais, je reste méfiant face aux mafias en col blanc. Et ce, quelle que soit l'écurie. Allez, hésite pas, scandalise-toi, signe-toi. En me voyant pratiquer ma profanation favorite, plonger dans le bénitier et faire des clapotis avec ma bête d'habitude de taper au fond du pif. Embêter les hébétés prêts à buter pour un putain pété. Je pourrais, mais je préfère rester loin, près du feu, avec les autres gardés.